été avec nous sur la première. On écoute maintenant Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. On commence à devenir fou. Je sais pas, on n'a pas d'avenir. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. Oui, une opération suicide sur Paris aurait été envisagée par les pirates de l'air. Ils ont commencé à psalmodier du Coran et ils ont commencé même à préparer une couverture pour éventuellement jeter quelqu'un après l'avoir abattu de l'avion et jeter celui-là. 5 juillet 1962, l'Algérie accède dans la douleur à l'indépendance. Les 8 ans de guerre ont balayé et mis à sac ce que 132 ans de colonisation avaient tenté de dresser avec ou sans l'accord des autochtones pour leur bien, assurait-on souvent à l'époque. L'Algérie n'est pas le seul pays du Maghreb, loin s'en faut, mais c'est sans doute celui des trois qui capitalise le paysage politique le plus tragique. 40 années nous séparent donc de l'indépendance. Pendant au moins les 30 premières années, l'Algérie va sembler engluée, endormie, comme anesthésiée par le régime en place. Le modèle soviétique a plus que du mal à prendre sur les bords de la Méditerranée, et s'il se maintient durant 30 années, c'est plus par la force que par le dialogue et la tolérance. Et puis, aux abords des années 90, le monde découvre une Algérie qui se réveille, mais pour plonger de nouveau dans le plus profond des cauchemars. Une accumulation de nœuds politiques au sein d'un pays où la libre parole reste encore un vain espoir a favorisé l'émergence d'une tendance intégriste musulmane forte dans ses premières années, des moudjahidines revenus triomphants de l'ogre soviétique. Très vite, face à un État corrompu, cette tendance intégriste va entrer dans une guerre sans nom qui, bien que n'ayant jamais été véritablement déclarée, se déroule encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Une nouvelle histoire vivante. Chapitre 1. Algérie, les 60s. La conférence d'Évian suit jour par jour son chemin malaisé. L'hôtel du Parc ouvre régulièrement aux délégations son salon hier sans histoire. Mais si l'on en est encore qu'au prologue, il n'en est pas moins vrai que le banal salon d'Évian abrite aujourd'hui un dialogue. Ce dialogue, l'annonce du cessez-le-feu unilatéral ne l'a pas interrompu en dépit d'une certaine mauvaise humeur. Par contre, elle a déclenché en Algérie un climat qui peut sembler nouveau. Il semble qu'il y ait plus de monde sur les plages. Les pique-niques dans la forêt de Sidi Ferruche avaient été quelque peu délaissés. On y a trouvé cette semaine comme une atmosphère de kermesse. Dira-t-on qu'il y a une détente? C'est sans doute difficile. Mais les affiches qu'on commence à voir partout clament à tous les échos, et même sur les volets de la pharmacie de Ferrat Abbas à Séti, qu'un autre climat peut naître et que la volonté de paix de la France est évidente. D'autant que cette volonté se traduit par d'autres gestes. En une semaine, la liberté a été rendue à 2500 prisonniers. Le chiffre en sera porté à 6000 dans moins d'un mois. Cette mesure n'est-elle pas la preuve d'un esprit qui, pour faire une paix véritable, veut recréer la confiance? C'est cette volonté de paix, traduite par ces gestes et d'autres, que 80 journalistes de tous les horizons sont allés contrôler et constater. L'opinion mondiale, qui a accueilli avec faveur les décisions du gouvernement français, peut aussi bien raisonner sur des faits contrôlés. Qu'auront vu en effet ces journalistes, ces reporters, ces yeux dont le métier est de voir pour d'autres? Ils auront vu dans des rues animées des foules qui vont à leurs affaires, des cinémas pleins, des cafés paisibles. Il ne s'agit pas de nier les attentats, il y en a toujours. Mais les arbres ne peuvent toujours cacher la forêt, et rien ne peut plus dissimuler que l'Algérie prend un nouveau visage. Seulement voilà, au lendemain de la guerre, les caisses de l'État algérien sont dans un état calamiteux. Mais qu'importe, cette nouvelle dynamique de l'indépendance est collective et elle permet à chacun de se projeter dans un avenir lointain et forcément meilleur. quelques années après, où en est l'Algérie. 7 années plus tard, en tout cas, Alger 1969 est tout autre qu'Alger 1960. Il n'y a évidemment plus d'Européens. Dans la rue, la gravité s'est inscrite dans les visages, ainsi qu'un autre symptôme ô combien insidieux, la monotonie. C'est que l'Algérie du président Houari Boumédiène est devenue un pays austère. Les réclames dans les pays n'ont de cesse de faire appel à l'hygiène et à la propreté des rues. Judicieux combat en effet que l'immaculé trottoir, mais qui est, en la circonstance, une politique de façade. Comme le sont ces immeubles fraîchement repeints dont les intérieurs vont à volo. La politique algérienne a la solidité du panneau de décor, prête à s'écrouler au premier coup de zéphyr. Cela fait 4 ans que l'Algérie s'est débarrassée de son leader Ben Bella, jugé trop désordonné. Ainsi, la nouvelle équipe militaire est-elle reconnue pour son incontestable efficacité à faire fructifier les richesses évidentes de ce vieux pays si jeune. L'URSS remplace la France dans un grand nombre de domaines et apporte son concours et son savoir-faire, mais il n'est plus question de colonie, on parle de partenariat, de coopération, d'encadrement. La difficulté pour le FLN est en fait de transformer son organisation de parti actif qu'il était pendant la guerre à un parti politique désormais au pouvoir. Ce même pouvoir qui, on le sait, entraîne souvent de la dissension chez Sapiens. En Algérie, cela n'a pas plus manqué qu'ailleurs. Toujours est-il que le pays démarre. Et si Houari Boumédiène ne fait pas dans le commentaire radiophonique, un autre de ses proches, l'illustre commandant Slimane, de la guerre d'indépendance, devenu Raïd Ahmed, est en revanche plus disserte. Après avoir occupé divers ministères, le voilà en 1969, responsable du FLN. Il répond aux questions de Jacques Maté-Doré, qui ne manque pas de lui demander pourquoi désormais un parti unique en Algérie. Le Front de Libération Nationale a été un mouvement qui a englobé l'ensemble du peuple pour un objectif bien déterminé, c'est-à-dire la libération du peuple. La libération politique, j'entends. Et il a mené le combat pendant 7 années et demie, selon des structures adaptées à la situation, et en fonction d'un objectif bien précis, l'indépendance nationale. La guerre terminée, fallait-il revenir à une pluralité de partis, ce qui suppose le choix politique sur le plan des options d'un système capitaliste, d'un système libéral, ou fallait-il maintenir cette cohésion et cette unité du peuple sous l'égide d'un même mouvement pour aborder la deuxième phase, la plus importante, la plus délicate et la plus complexe, c'est-à-dire l'édification économique. Que ne ferions-nous sans cette remarquable invention qu'est la rhétorique ? Toujours est-il que c'est dans un souci non pas d'intolérance, mais bien d'efficacité que le FLN est donc désormais la clé de tous les problèmes. Le parti lié à l'armée, et réciproquement, tient tout dans ses mains. Les syndicats, les étudiants, les organisations féminines, du ministre jusqu'au moindre administrateur régional, tous les fonctionnaires sont désignés par ses soins. Warda interprète Madritouche, qui veut dire « N'étiez-vous pas au courant ?» Warda dut renoncer à la chanson il y a quelques années sur la pression de son mari. Elle s'est depuis enfuie et a repris sa carrière, non sans danger. Madritouche, ah. مدرتوش ولا يعني ولا يعني ما قالكوش طمنوني طمنوني ازاي يا حالو طمنوني منو مين شغلوا له باله ريحوني يا ما قالولي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم لا لا يا ما روح قولوله بس تعالى لا لا لا لا يا ما قالولي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم لا لا يا ما قالولي عنه يا ما قلت ازاي اصدقهم لا لا بكرة يجيني بالسلامة بس اشوفه واقول له تعالى روح قولوله بس تعالى لا لا لا لا اه بس اوعوا ما تروحوش وتروحوا ما تسألوش اه بس اوعوا ما تروحوش وتروحوا ما تسألوش ده حب عزيز عليا حموش ده حبه عزيز عليا والناس ما بيرحموش ولا وعدتكونوا روحتوا وتقولوا ما شفناهوش بقى انتوا ما درتوش بقى انتوا ما درتوش بقى انتوا ما درتوش بقى انتوا ما درتوش Chapitre 2. Saad qui a fait le khir. Bienheureux le bienfaiteur. Dictature, vous avez dit dictature, certes pas puisqu'il y a des élections. Reportage dans le petit bureau de vote de Zeralda dans la Mitidja. Nous sommes en Algérie, nous sommes en l'année 1969. Le 270. Hayan Ahmed. À voter. Et comment se passe le vote? Les bulletins sont libellés comment? Les bulletins sont remis à la porte d'entrée, une feuille avec une enveloppe, ainsi que la carte dont la personne nous appelle le nom, le numéro et le nom, et nous vérifions sur place si cette personne existe dans ce bureau. Et dès qu'elle est d'accord, la personne passe à l'isoloir que les formalités se remplissent après. Et sur le bulletin de vote, il y a un nom? Il y a plusieurs noms, il y a huit candidats, dont chacun est libre de... Huit candidats pour un seul parti, c'est ça la démocratie à la FLN. Il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a qu'une seule chaise. Comment fait-on dès lors pour choisir, sinon l'évidence? Réponse à la sortie de l'isoloir. Est-ce que les candidats sont tous bien connus des populations? Non. Non, on a présenté leur photo. Mais beaucoup de candidats ne sont pas connus de la population. Il y a une question que nous posons, et ceux qui ne savent pas écrire, comment procèdent-ils? Eh bien, nous leur avons donné les bulletins et les enveloppes 2 jours à l'avance, 3 jours, pour qu'ils puissent être prêts le jour de l'élection. Au fond, ils demandent conseil à leur entourage. Certainement, oui. Illustration avec cette dame qui ne sait pas lire, qui n'est plus dans la fleur de l'âge, mais qui veut quand même participer. Pour le moment, c'est pas moi qui vais faire les motions. Quand vous pouvez me dire à moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est une ouvrière que je suis tout. Un akhdam à la rue, vas-y. Un akhdam à la rue, mais c'est tout. Au moment de... Elles ont assisté à des réunions, à des congrès, etc. Et on ne leur a pas dit de voter pour telle ou telle personne. On leur a dit qu'il y a une liste électorale, etc. Et on a mis tout dans leur carte. Elle a mis toute l'enveloppe, en fait, toute la liste dans l'enveloppe. Oui. C'est une liste blanche qui est nulle. Mais on ne vote jamais pour rien, on le sait. Ce qui est un témoignage vivant d'une société démocratique, c'est bien son taux de participation aux élections. Plus on vote et mieux ça fonctionne. D'ailleurs, pour bien comprendre l'efficacité du système, laissons la parole à un élu, du FLN donc, qui nous explique comment et pourquoi ça marche si bien. Évidemment, vous avez parlé de programme personnel dans la perspective d'une démocratie de type libéral. Ce n'est pas le cas en Algérie, en ce sens que l'élu, et surtout en Algérie, où l'Algérie se construit chaque jour, où l'Algérie se transforme, où le pays évolue, la ligne est toute tracée. Par qui ? Par qui ? Ce sont les problèmes économiques qui nous retiennent, qui nous concernent tous. Il y a le problème de sortir du sous-développement. C'est déjà une tâche énorme, considérable, que nous poursuivons tous. Vous-même, faites-vous partie du parti ? Nous sommes tous plus ou moins militants du parti. Ça n'engage à rien de militer, surtout si ça peut simplifier la vie, ça serait idiot de s'en priver. Retour donc dans quelques instants à cette Algérie, si jeune dans son indépendance, si bien encadrée par M. Moscou et si préoccupée par l'unité du pays, qu'elle finirait bien par engommer les diversités. Matou Blounès n'était pas poli. Mais alors, pas poli du tout. Il avait une grande gueule qu'il ouvrait régulièrement et en général assez fort. Il écrivait comme un dieu et chantait à en mourir. À force de beugler contre les injustices et les oppressions, il s'était fait un nombre considérable d'ennemis. Loin de le faire taire, les menaces le faisaient crier plus fort et aller encore plus loin. À tel point qu'un jour, dans la fin des années 90, il est assassiné par le GIA. Dans sa chanson « Ayat Yedran, les galonnés », Lounès Matoub s'adresse à l'armée, soutien indéfectible du FLN. « Afin que le regard ne s'embrume de votre souillure, nous avons lavé le drapeau, par égard à nos femmes, tisseuses de nos racines. » ورد بوين ثلوي ثلث سنين همي شهر اي حنين ولي يوث لغز ساق الروم الاعلام نحرز ستي سبين في جلد ثلاوين يثغن فثي طاهة وعوم يفسخي طجن ثمانين يركمت ذو ذرين في الاستيز الزغور يفسخي طجن ثمانين يركمت ذو ذرين في الاستيز الزغور فلان غفين وغيشقان في الرمثة مورث ذل مشملة يذكون ويثني دي ربان يثني دي سنرنان يسمك ننوذة فلاصلة هالسير سيني بردان الفروري فان هي وينيين يرن وحنا هالسير سيني بردان الفروري فان هي وينيين يرن وحنا أنا يثر نغف ثويث تشجهم تسواث فرب مفوذي ثلاف سماه المرث تسناذي مثي فراث تجمث السقار هي ويذن ثج الصحة ثنف ملهم يسرواث الحبس يصدعات يتزج وفث مورا ثنف ملهم يسرواث الحبس يصدعات يتزج وفث مورا Chapitre 3. Ordre et rangement. En 1969, l'Algérie a déjà 7 années d'indépendance derrière elle. Trop jeune pour être complètement mûre, mais déjà suffisamment conseillée pour exercer une certaine politique fort en vogue dans les pays de l'Est. On vote en cette année 1969 en Algérie. On vote localement et c'est bien pour consolider patiemment le grand parti, seul et unique représentant du peuple. Pas de lettre C comme communiste dans FLN, mais c'est tout comme. Si certains ont eu à souffrir du communisme, ce sont bien les communautés. Leur particularité n'a que rarement eu le regard bien attentionné du pouvoir. Un secrétaire de mairie, mandaté par le parti censé, mais c'est tout comme, évoque la question kabyle. Que vont devenir les Kabyles ? Je refuse justement cette question, voyez-vous. C'est une question qui n'est pas... C'est une question qui n'est pas bien posée. Parce que je voudrais savoir, vous dites Kabyle, Kabyle ou Alger. Ici, enfin, nous constatons d'ailleurs, il y a une unification quand même. Il n'y a pas de Kabyle, il n'y a pas d'Arabe. Il n'y a que des Algériens, voyez-vous. Et oui, comme chez Tito, il n'y a plus de Serbes, ni de Bosniaques, mais seulement des Yougoslaves. Mais quand même, l'opposition, c'est bien un mot qui figure toujours dans le dictionnaire algérien. Quel rôle, quelle place peut-elle désormais prétendre occuper dans un pays au parti unique ? Réponse de Raïd Ahmed, président du parti censé, mais c'est tout comme. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ne défendent que leurs intérêts. Et il y a ceux qui défendent les intérêts publics. Et le FLN, il est naturel, il a drainé l'ensemble, il a drainé 99% du peuple. Il était naturel que l'on demande leurs dépenses puis puisque avoir des déchets. Alors on ne peut pas parler d'opposition, il y a des opposants qui ont préféré vivre à l'extérieur et vivre à la solde de forces occultes étrangères et ça ne représente moins que rien et par conséquent on ne peut pas parler d'opposition ou d'obstacle à une quelconque opposition. La meilleure opposition c'est l'opposition dialectique sur le terrain pour les méthodes, pour aboutir aux objectifs. Que défend cette opposition ? Qui doit nous répondre à cette question ? Ainsi, le vent d'optimisme qui a soufflé sur le pays au lendemain de l'indépendance est-il en train de se transformer en un blizzard quelque peu réfrigérant ? Mais tout n'est pas acheté dans le pouvoir algérien sous la présidence de Houari Boumediene. Il est question pour le pays de passer d'un certain sous-développement à une phase industrielle. On est donc dans le rouleau compresseur du progrès, lequel laisse en général peu de place à la finesse. Nationalisation des grands domaines agricoles coloniaux, des hydrocarbures, industrialisation à marche forcée, couplée à une politique massive de scolarisation et de formation des cadres, de soutien des prix des produits de première nécessité, institution de la médecine gratuite, lutte contre la pauvreté et la misère par la réforme agraire et la construction des villages socialistes, la distribution du gaz algérien à des prix symboliques, l'électrification de la quasi-totalité du pays, tout cela a un prix, et ce prix a pour appellation le FLN, le parti censé, mais c'est tout comme. En 1969, quatre journalistes, Marthe Dumont de la radio belge, Jean-Francis Held du Nouvel Observateur et Pierre Bonnefond de l'hebdomadaire spécialisé Marchés Tropicaux essaient avec Jacques Mathé-Doré de la Radio Romande de tirer une conclusion de leur visite en Algérie. Mais cette conclusion demeure bien interrogative. On n'a pas pu soulever certains problèmes, il y en a trop. Et aussi parce que on n'a pas entendu exactement la réponse à des questions qui ont été posées. Voilà mon sentiment, un premier sentiment. Et je crois qu'il y a, deux impossibilités, précisément celle de tout voir et de tout entendre et celle qui nous a été plus ou moins imposée. Jean-Francis Held. Je voudrais livrer d'abord l'impression la plus brute, la plus simple que j'ai éprouvée. Et je dois dire que, sans rien dissimuler, c'est une impression positive. Une impression positive qui n'est peut-être que par relation à celle que j'avais en arrivant. J'ai, comme beaucoup de journalistes de gauche, milité pendant la guerre d'Algérie, pour l'indépendance algérienne, et j'avais eu le sentiment qui s'était installé petit à petit que les affaires de l'Algérie marchaient très très mal, qu'il y avait une sorte de marasme à la fois politique et économique, la situation était déplorable. Et je suis arrivé un peu avec cette impression dans la tête, et ces élections, tout ce que j'ai pu apprendre autour, ont bouleversé cette impression. Je crois que ces choses ont été faites avec sérieux, avec une espèce de dignité et un dynamisme remarquable, et qu'on peut en attendre énormément de choses. Oui, mais il y a quand même, et j'y reviens, des tabous. Enfin, nous nous sommes parfois heurtés à des non-réponses ou à des réponses dilatoires. Il y a au moins une question à laquelle on n'obtient pas de réponse, et elle est assez symbolique, évidemment, c'est le sort actuel de Ben Bella. On a demandé plusieurs fois, est-ce que vous ferez un procès à Ben Bella ou est-ce que vous allez le libérer ? La réponse est certainement pas de procès, mais sur la question de la libération, il n'y a pas de réponse. Chapitre 4. Surveiller et punir. Dans le numéro 3 de Temps stratégique, Charles-Henri Favreau livre un portrait d'Ahmed Ben Bella, l'ancien président devenu prisonnier. Objet d'une surveillance constante, soumis au secret absolu, porte de la cellule toujours ouverte sous la menace des armes de deux factionnaires toujours muets, Ahmed Ben Bella n'eut personne à qui parler durant 8 mois. Assez vite transféré au château Holden, il connut un régime qu'il appelle lui-même de tombeau et qui aurait dû provoquer à court terme la démence. Cantonné dans 2 pièces aux fenêtres blanchies à la chaux, surveillé par des caméras de télévision et des micros, jamais autorisé à se rendre dans le jardin, il eut enfin droit aux visites de sa mère qu'on fouillait méticuleusement au point de défaire ses nattes et à qui on imposait, en dépit de son grand âge, un voyage de 3 jours pour lui faire croire que la résidence de son fils n'était pas dans la Mitidja, mais très éloignée d'Alger. Un silence de tombe. C'est à quoi Ben Bella sera soumis pendant plus de 20 ans. Son pays en prendra pour 10 ans de plus avant qu'il ne se réveille à l'aube d'un cycle tragique. Demain, voyage dans l'Algérie de 1990. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, Marie-Françoise Gay et Karine Vouyamo. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres.